Chapitre 26e, la barbotière. Avant de regagner son comptoir, quand Paulin Broquet fut parti, Clafou, justement alarmé, se rendit dans la salle de bal. Sous prétexte d'y jeter le coup d'œil du maître, il voulait voir s'il ne trouverait pas soit Gustave, alias Gabriel, soit Lamorce, parmi ses clients amateurs de danse ou parents qui regardaient avec tendresse valser leur progéniture. Paulin Broquet avait parlé d'Arsène au cours de l'entretien dans la chambre triangulaire. Clafou se doutait logiquement que le détective avait dû mettre un de ses hommes aux trousses du personnage qui l'inquiétait, et sur le compte duquel il lui avait demandé des renseignements. Il espérait donc retrouver auprès de l'entrepreneur de Bâtisse un des seconds du chef. L'entrepreneur de Bâtisse, sa femme, ses deux enfants, sa grande-fille et le jeune cousin, tout le monde avait disparu. Et naturellement, derrière eux, Gustave et aussi Lamorce. Clafou se désespéra. Il eût voulu dire à l'un des lieutenants dévoués au détective quel grand danger allait fort imprudemment courir le chef, l'avertir, pour compris les mesures urgentes qu'allait fatalement nécessiter, la tentative follement audacieuse de Paulin Broquet. Mais il dut, tout désemparé, ne sachant maintenant que faire, ne pouvant s'absenter de chez lui pour ne pas donner l'éveil, réintégrer forcément son comptoir et la mort dans l'âme, se mettre à servir de nouveau des petits verres tout en plaisantant avec ses clients. Ce n'était qu'après une parfaite connaissance des ressources, une longue étude des avantages que ce repère sinistre leur offrait, que les aides en avaient fait leur lieu de réunion secrète et l'avaient aménagé pour cela. C'était admirablement organisé. Même connaissant la barbotière, même pénétrant dans l'atelier du mouleur en plâtre, même passant dans le couloir qui servait de cave, on ne parvenait pas jusqu'à la pièce disposée, comme l'avait dit Clafou, pour le rôle de parlement, de tribunal et de lieu d'exécution par les bandits si l'on était initié. En entrant par le bar, on filait dans l'impasse et on gagnait l'atelier du mouleur sans que du boulevard on pût s'en apercevoir. Quand on était initié, une fois dans l'atelier, on se dirigeait, non sans peine encore, dans un dédale souterrain, dans une sorte d'interminable souricière d'où l'on ne pouvait sortir que si les aides le permettaient. Au bout de ces couloirs, de ces souterrains qui serpentaient, se rejoignaient, formaient un réseau inextricable, se trouvait une salle assez spacieuse, loin sous terre, où l'on pouvait parler fort, crier, hurler, sans qu'il fût possible au moindre bruit d'arriver jusqu'au dehors, à la surface du sol, à la rue. Cette vaste salle n'était autre qu'une ancienne carrière de gypse, exploité encore au siècle dernier, mais qu'on avait muré et qui depuis longtemps était oublié. Le hasard la fit retrouver par quelqu'un qui en donna le secret aux aides. Un des couloirs qui menait à cette carrière fut utilisé cependant par la voirie quand les maisons de Paris commencèrent à envahir la butte Montmartre, jusqu'alors hors barrière et encore campagne. Ce couloir a servi à faire l'égout provisoire de ce quartier. Comme en France, ce qui est provisoire dure indéfiniment, cet égout sert encore. Il passe sous l'actuelle place Pigalle et court tout le long de la rue Blanche, à quelques mètres sous terre bien entendu, poursuit derrière la Trinité jusqu'à l'Opéra et va aboutir à la Seine, près des Tuileries. On assure que les aides ont exécuté leurs condamnés en les jetant dans cet égout, mais on n'a pu faire la preuve de ce crime. Les malheureux, en effet, descendaient lentement jusqu'à la Seine. On ne retrouvait leurs cadavres mutilés en décomposition, que quelques mois après, flottant dans le fleuve. Personne ne pouvait dire d'où il venait, personne ne pouvait supposer quel chemin avait suivi ce corps, ni croire que c'était du haut de Montmartre qu'il était descendu, recueilli parfois du côté du Pointe-au-Jour, quand ce n'était pas plus loin. Il était plus que certain que Paulin Broquet se souvenait de tout cela. Mais si ce souvenir et cette perspective d'une promenade dans l'égout eussent suffi à arrêter tout autre homme, même le plus follement brave, cela ne pouvait une seconde empêcher Paulin Broquet d'accomplir son projet, lui défendre de poursuivre jusqu'au bout son dessein. Rien n'était assez puissant pour le détourner de ce qu'il considérait comme son devoir. Il pénétra donc dans le bar sinistre dans la barbotière. Paulin Broquet était habillé à la façon des clients de Clafou, donc ici il se trouvait encore semblable à beaucoup de ceux qui, après avoir pris un verre sur l'étain du bar, passait par la porte de derrière et sortant de la barbotière gagnait l'impasse de Guelma. il eut le talent de filer en même temps qu'un individu qu'il avait aperçu chez Clafou, à qui, à tout hasard, dans la barbotière, il fit un signe de reconnaissance auquel celui-ci répondit. Paulin Broquet pénétra dans l'atelier du mouleur en plâtre en même temps que le compagnon qu'il prit pour guide. De l'atelier, il passa dans une autre pièce, faisant suite, qui servait de chambre à coucher. Un homme, probablement le mouleur en plâtre, s'y trouvait couché dans un lit de fer. « Zalavi, dit cet homme. « Zalamort, répondit Paulin Broquet. « Passe. » Et ce disant, le mouleur en plâtre tira sur une corde. Un panneau de bois recouvert du même papier que les murs se souleva, montrant un escalier qu'éclairait une petite lampe à essence. Paulin Broquet descendit cet escalier et se trouva dans un couloir qu'il suivit. Puis, il vit en face de lui d'autres galeries et eût été vraiment très embarrassé pour se diriger si un nouvel affilié posté dans l'ombre ne lui eût dit « Zalavi ». Le détective répondit comme il convenait. Cette voix lui indiqua le chemin à suivre. Il alla vers l'homme qui lui parlait et aperçut dans le lointain, éclairant une autre galerie, un nouveau lumignon. C'était, à n'en pas douter, pour indiquer la route, pour servir de point de repère, de phare aux affiliés, que ces lampes étaient ainsi placées de loin en loin au carrefour. Depuis longtemps, le bruit des pas des chevaux, des tramways ne s'entendait plus. Au bout d'une nouvelle galerie, un homme s'offrit encore à Paulin Broquet. Cet homme se plaça devant le détective au milieu de la galerie. Silencieux dans cette demi-obscurité, immobile, il attendait. « Zalavi, fit alors Paulin Broquet. « Zalamort, fit l'homme. Mais il ne bougea pas et attendit encore, barrant toujours le chemin au détective. « Zigomar, dit Paulin Broquet, se souvenant des indications de Clafou. « Zigomar, fit l'homme. Et s'écartant, se rangeant le long de la muraille, il dit simplement « Passe !» Paulin Broquet s'avança et suivit le couloir que l'homme découvrait. Tout à coup, il se trouva dans une galerie plus vaste. Des hommes étaient rangés dans cette galerie et debout attendaient, sans presque bouger, et gardant un silence absolu. Paulin Broquet se plaça parmi eux, les imita et se guida sur leur façon d'être. Personne ne se tourna vers lui, ne sembla s'apercevoir de sa présence. D'autres affiliés arrivèrent, qui se rangèrent comme lui et dont on ne s'occupa pas davantage. On attendit ainsi assez longtemps, puis tout à coup, en avant, une lumière brilla. Une porte venait de s'ouvrir. La porte de la grande salle de réunion. Lentement, les affiliés y pénétrèrent. Paulin Broquet entra avec eux. Deux lampes à acétylène accrochées aux poutres qui soutenaient la voûte jetaient dans la salle une flamme suffisante pour que Paulin Broquet pût l'examiner à sa convenance. Elle n'offrait d'ailleurs rien de remarquable. C'était une galerie, une salle dans une mine, humide, grise, sans aucun ornement, sauf au fond. Sur une large estrade en bois surélevé de quelques marches, se trouvait une sorte de tribune recouverte d'un drap noir qui tranchait sur le gris des murs et dans lequel ressortaient de grands aides en galons de drap rouge. Devant cette tribune, sur le premier degré servant de plateforme, se trouvait une table avec une bougie. La table était recouverte également d'un drap noir. Sur cette table, un cahier de papier et un crayon bleu. Derrière cette table se tenait un homme vêtu d'un grand capuchon rouge rabattu sur la tête et percé de deux trous. Derrière la tribune se trouvaient aussi cinq autres hommes revêtus également du capuchon, de la cagoule rouge, mais l'un d'eux, celui du milieu, portait en outre sur la poitrine un grand Z en galon d'or. Au mur, on voyait accroché un large écusson noir, et dans ce sinistre écusson ressortait crûment un grand Z rouge. Les hommes gardaient à la tribune une absolue immobilité, de même que celui placé derrière la table au pied de cette tribune. Les affiliés, les aides, se tinrent debout dans la salle et s'étant placés, pressés, ils demeurèrent eux aussi autant que possible immobiles, tout en observant un religieux silence. Cette immobilité et ce silence étaient nécessaires. Le moindre bruit prenait sous ses voûtes une ampleur énorme et résonnait comme dans une cathédrale. Le sol était recouvert d'un plancher rudimentaire formé de gros madriers, de feuilles de bois épaisses, pour laisser sous lui passer les eaux qui tombaient des murs, suintaient de partout, goutte à goutte, incessamment. Ce plancher empêchait les affiliés de patauger dans la boue épaisse, grise, gluante, mais au moindre pas, il résonnait terriblement. Paulin Broquet, donc, ayant jeté rapidement dans cette salle son coup d'œil auquel rien n'échappait, s'étant rendu compte des lieux, attendait, mêlé aux affiliés, immobile et silencieux. Ce spectacle et cette attente ne laissaient pas d'être très impressionnants, car sa vie allait se jouer. Mais il ne s'en souciait pas. Il fallait avoir, comme Paulin Broquet, l'âme fortement chevillée au corps, pour ne point trembler, pour ne point frémir, pour demeurer ainsi, tranquille, au milieu de ses ennemis, au fond de leur antre, dans leurs mains, à leur merci absolument. Il fallait avoir, comme lui, le cœur solidement attaché pour attendre avec ce calme les événements dont l'un des plus probables était son supplice ou sa mort. Mais Paulin Broquet était doué de ce courage froid, imperturbable, qui pousse à des actes comme celui-ci, en apparence tout simple et en réalité stupéfiant. Les lampes accrochées au pilier de la voûte n'éclairaient que très vaguement et par derrière les affiliés. C'étaient deux lampes vulgaires, comme celles dont font usage les marchands forains, les petites voitures, les camelots à la nuit. Un réflecteur projetait leur lueur en avant sur la tribune. Le reste de la salle n'était donc éclairé que par le reflet des murs, des parois, et même derrière les piliers, c'était la nuit complète. Il était donc impossible de reconnaître la figure des gens qui se trouvaient là, fût celle de ses plus proches voisins. Tout à coup, sans que rien ait bougé à la tribune, un timbre résonna. Aussitôt l'homme vêtu de la cagoule rouge qui se tenait à la petite table au pied de la tribune éleva les mains, fit flotter ses manches comme deux grandes ailes rouges. « Zigomard » cria-t-il. L'assemblée répéta « Zigomard ». Et ce cri roula comme un tonnerre sous les voûtes des souterrains. Puis le silence se rétablit, plus profond, plus angoissant. Alors, au bout d'un assez long moment, une voix se fit entendre. Cette voix sortait d'une des cagoules de la tribune, de celle du milieu, pensa Paulin Broquet. Et cette voix, le détective, malgré sa déformation inévitable en passant à travers ce masque d'étoffe rouge, malgré les vibrations spéciales qu'elle acquérait sous ses voûtes, cette voix, Paulin Broquet crut la reconnaître. Et il ne lui sembla pas anormal de la reconnaître, car à vrai dire, il s'attendait presque à l'entendre ici. « Ami, dit la voix, claire, puissante, cher compagnon, Zigomard vous a réuni ce soir pour deux raisons. La première sera une cause de joie. La seconde, écoutez-moi bien, est grave, très grave, mais va aussi tourner en joie, en triomphe. Vous avez appris, sans que nous ayons besoin de vous le notifier plus qu'à notre habitude, que nous avons réussi quelques opérations fructueuses. La marque de notre puissante association, le Z déconcertant et terrible, a brillé du plus vif éclat. Ce n'est encore rien en vue de ce qui nous reste à faire, de ce que nous ferons. Et la réussite première nous est pour les entreprises futures comme un superbe garant de prospérité grandiose. L'orateur se tut quelques secondes après cet exorde et reprit « Permettez à Zigomard, cher compagnon, de vous redire ici, de vous rappeler ce qu'est notre association, ce qu'elle veut, quel est son but. Nous ne sommes pas une association comme il en est temps, qui pousse au hasard, subitement, à la façon des champignons sur le fumier de la civilisation moderne. Ces associations ne sont que de vulgaires bandes et périssent promptement, n'ayant récolté que ce qu'elles méritent. Nous avons des assises solides, des bases inébranlables, et nous nous appuyons non sur le hasard des rencontres, mais sur la tradition des siècles écoulés. Nous avons notre passé de lutte, de gloire, de peine et de triomphe. Nous avons notre histoire comme les peuples valeureux. Nos aïeux, sortis de l'Inde, mère du monde, berceau des religions, source des idées, ont vécu dans l'Égypte colossale, dans la terre promise d'Israël, dans la Grèce artistique, dans la Rome souveraine, dans l'Espagne brillante des morts, et dans la douce France aux richesses infinies, dans l'Angleterre aux reflets d'or, dans l'Irlande au cœur attendri, en Allemagne où résonnent les armes lourdes, en Bohême où l'air est plein de musique, en Chine, en Amérique, partout, partout. Nous sommes les descendants des fils de l'univers. Ceux dont la patrie n'est pas limitée par une montagne, une rivière ou un simple poteau. Nous sommes ceux qui vont devant eux, et maîtres du monde prélèvent en seigneur la dîme sur les esclaves auxquels ils laissent occuper les terres. Nous sommes les djinns, les tziganes, les gitanos, les gitanes, les gypsies. Nous sommes les romanichels, les ramoguises. Nous sommes les ramoguises. Ramoguises que par tradition, renversant le nom, nous appelons zigomars. Zigomars, c'est le cri des ramoguises. C'est le cri qui a traversé les siècles. C'est le nom symbolique du chef, du roi. Le nom de celui que personne n'a vu, ne connaît, mais dont tout le monde sent la puissance. C'est le nom de celui qui, immortel comme le soleil, peut se renouveler chaque jour, être différent tout en restant le même, mourir sans arrêter de vivre, s'éteindre sans cesser de briller, c'est Zigomar. L'assemblée cria, enthousiasmée, « Zigomar ! Zigomar !» Paulin Broquet cria avec ses voisins, « Zigomar !» L'orateur reprit. « Notre but, c'est de prendre à l'opulence lourde, épaisse, à la richesse affolée, la part à laquelle a droit celui qui vit d'intelligence, d'audace, de force, de courage, à laquelle a droit celui qui a été jugé digne d'être avec Zigomar. » Après un court silence, comme pour donner à ses paroles véhémentes le temps de produire leur effet, l'orateur reprit, tout en conservant ainsi que ses quatre assesseurs et celui qui se tenait devant la petite table, une immobilité absolue. Cependant, chers compagnons, Zigomar ne vous a pas convoqué aujourd'hui uniquement pour vous rappeler notre origine, notre but, et vous parler de notre gloire. Il ne vous a pas réunis pour vous annoncer seulement ce que vous savez déjà, la réussite de plusieurs affaires. Il vous a fait venir pour vous dire qu'un grand danger nous menace, et pour vous demander de vous ériger ce soir en tribunal et de prononcer un arrêt. Un frémissement parcourut l'assemblée. Elle attendait dès maintenant quelque chose de grave. « Chers compagnons, écoutez bien, » dit l'orateur. « Écoutez bien, car ces paroles solennelles, Zigomar ne doit les prononcer que rarement. Zigomar ne peut prospérer que par le dévouement de chacun, par la fidélité de tous, par le sacrifice absolu de soi pour les autres. Déjà des compagnons félons se sont trouvés parmi nous. Cela est fatal. Il y a des infâmes dans toutes les sociétés, des vendus dans tous les partis, des traîtres dans toutes les nations, des renégats dans toutes les religions. Mais vous avez vu comment nous savons les découvrir. Ici même, nous en avons jugé. Ici, nous en avons exécuté séance tenante. Eh bien, compagnons, il y a parmi nous encore un traître. On a livré à nos ennemis le mot secret, non seulement le nom de Zigomar, mais le mot de passe et les signes de reconnaissance. De nouveau, l'assemblée tressaillit anxieusement. « Nos ennemis, maintenant, reprit l'orateur, savent se faire prendre par nos compagnons pour de nos compagnons. Ils savent comment être tenus au courant de nos projets, de nos démarches, de nos tentatives. Ils peuvent nous entraver, nous causer le plus grand tort, arrêter peut-être quelques-uns de nos plus adroits, de nos plus utiles, de nos plus vaillants compagnons. Oui, le danger est pressant. Et le devoir de Zigomar est de ne pas le dissimuler, mais de le reconnaître pour le mieux combattre. La puissance de Zigomar est grande, mais celui à qui on a livré le secret est le seul qui puisse se faire redouter de Zigomar. C'est un homme devant qui nous devons nous incliner avec admiration. Il a le courage superbe du lion, la finesse du renard, le coup d'œil de l'aigle. Il est brave comme la bravoure, hardi autant que brave, et fort autant que hardi. Cet homme peut entrer en lutte avec nous, et c'est là le plus bel éloge que l'on puisse faire de lui. Cet homme a mérité ce grand honneur de nous forcer à nous réunir tous pour organiser dès maintenant notre défense contre lui seul. Cet homme est le seul au monde qui puisse entrer en lutte, se trouver face à face avec Zigomar. L'orateur cria, « Cet homme, c'est Paulin Broquet !» Il y eut parmi l'assemblée un mouvement d'angoisse. Ce nom produisait son effet chez ces bandits. Beaucoup, sinon tous, rien qu'en l'entendant prononcer, ne pouvait se défendre de trembler. Paulin Broquet, lui, ne perdait rien de son calme. Et là, au milieu de ses ennemis, il prouvait que Zigomar, en l'exaltant ainsi, en faisant si grandement son éloge, ne disait que la simple vérité. Et curieusement, comme s'il se fût agi de tout autre que lui, il attendait la fin du discours de cet orateur, se demandant où il voulait en venir, mais déjà flairant le piège, ayant depuis longtemps conscience du danger. « Voilà l'homme à qui nous avons été livrés !» reprit la voix. « On a livré Zigomar à Paulin Broquet !»« Compagnon, nous avons été trahis !»« Quelle peine demandez-vous pour la trahison ?»« Quelle peine demandez-vous pour l'ennemi ?» Tous les affiliés comme un seul homme répondirent « La mort ! La mort !» Avec tous les autres, Paulin Broquet cria « La mort !» Cela était extrêmement poignant, grandement tragique. Un homme prononçait un arrêt de mort alors qu'il s'agissait du sien. Après ce cri qui roula, grave, lourd, sous les voûtes sinistres, il se fit un grand silence. Plus angoissant peut-être que ne l'était le roulement des voix, prononçant l'effroyable arrêt. Puis l'orateur reprit. « Donc, la mort est votée. Oui, oui, la mort, la mort !» L'orateur continua. « Bien. « Compagnon, vous allez ici prendre la responsabilité de votre vote et, selon nos lois, signer chacun l'acte de condamnation que tient le greffier. » Les affiliés, alors un à un, silencieusement et respectueusement, comme accomplissant un rite sacré, s'approchaient de la petite table du greffier montant par la gauche de l'estrade. Ils faisaient avec la main gauche le signe du Z, puis reprenaient un crayon bleu, traçait sur la feuille blanche une signature, reposait le crayon et descendait de l'estrade par la droite, passant derrière les autres affiliés qui avançaient au fur et à mesure. Un à un, ils défilèrent ainsi. Le tour de Paulin Broquet arriva. Il ne put se soustraire à la formalité, et serré, pressé par les compagnons, il dut gagner l'estrade et s'approcher du greffier. Ce fut le moment critique pour lui. Mais qui eût pu voir Paulin Broquet durant ces quelques minutes où se jouait sa vie, n'eût pu remarquer le moindre trouble sur son visage, le plus petit tremblement nerveux chez lui. Il conserva son sang-froid et s'avança avec le plus magnifique courage. Certes, il soupçonnait que cette manœuvre cachait un piège, mais il pensait toutefois pouvoir le déjouer, tourner le danger. Il regardait avec attention ce que faisaient ceux des compagnons qui le précédaient. Il monta sur l'estrade, esquissa avec la main gauche le signe conventionnel. Jusque-là, tout pouvait marcher. Mais ses craintes d'échec commençaient devant la feuille de papier blanc. Ceux qui signaient, en se penchant, lui cachaient ce qu'il venait d'écrire. Et Paulin Broquet ne savait vraiment pas ce qu'il fallait tracer. Néanmoins, audacieusement, il prit le crayon. La feuille de papier blanc lui apparut uniquement recouverte de nombreux aides. C'était la seule signature qu'apposaient les compagnons. Le détective se pencha et traça lui aussi un Z. Comme il l'achevait et se relevait, la voix de l'orateur s'écria avec un accent de triomphe « Merci, Paulin Broquet, tu viens de signer ton arrêt de mort !» Aux paroles de l'orateur, un cri féroce répondit « À mort, Paulin Broquet, à mort, à mort !» Ces hommes semblaient tout à coup déchaînés contre celui qu'ils tenaient maintenant à leur merci. Et dont tout à l'heure le nom seul les faisait trembler. Ils s'agitaient, furieux, levant des poings menaçants. Ils voulaient se venger tout de suite de leur frayeur, de leur lâcheté. « À mort » hurlait-il, « à mort !» Paulin Broquet, lui, s'était retourné. Il regardait ses forcenés, et seul contre cette troupe hurlante, il demeurait impassible, comme s'il regardait des gens qui ne l'intéressaient qu'à titre de curiosité. Comme si ces cris noirs ne s'adressaient pas à lui. Cependant, un coup de timbre retentit. Aussitôt le silence se fit, et toute la bande, qui paraissait vouloir se ruer à la curée, reprit comme par enchantement son immobilité première. Vraiment, ces gens faisaient preuve d'une admirable discipline. Dans aucun parlement du monde, dans aucune assemblée politique ou financière, voire même seulement littéraire, au cours d'une séance orageuse et sensationnelle comme celle-ci, on ne serait parvenu à obtenir un calme pareil sur un simple coup de sonnette. Alors la voix de l'orateur de nouveau se fit entendre dans ce silence. Paulin Broquet, les paroles que tu as entendues tout à l'heure, les éloges adressés à ta vaillance, à ton courage, Zygomard ne les retire pas. Elles sont l'expression de sa profonde et sincère admiration pour l'homme merveilleux que tu es. Mais ce sont aussi des mots d'adieu. C'est ton éloge funèbre qui a caressé tes oreilles. Ce sont les paroles qu'on eût prononcées sur la tombe où tu vas dans un instant descendre à jamais. Paulin Broquet, toujours calme, regardait tour à tour les hommes qui se trouvaient au pied de la tribune et ceux qui, sous leur cagoule rouge, s'étaient fait ses juges. Les bras croisés, il souriait. L'orateur reprit. Nous rendons un juste hommage à ta vive intelligence qui t'a fait pénétrer nos secrets, à ton audace qui t'a poussé à t'attaquer à nous, à ton étonnant courage qui t'a conduit jusqu'ici. Toi seul, parmi nous tous, c'est admirable. Maintenant que tu sais que tu vas mourir, tu as la force de sourire. Paulin Broquet, tu es un héros. Zygomard te salue. L'orateur commanda. Compagnon, chapeau bas. Tous les affiliés se découvrirent. Tu as toi-même voté ta mort, reprit l'orateur. Tu as toi-même signé ta condamnation, ratifié cet arrêt. Reconnais que pour t'amener à faire cela, toi, si subtil, il faut être très fort. Nous pouvons, maintenant que nous ne courons aucun risque, te dire que si tu es parvenu à saisir nos mots de passe, tu ne pouvais cependant pas tout connaître. Un détail infime devait te trahir. Tu as le goût de ces recherches, de ces déductions. Il nous plaît de donner cette dernière satisfaction à ta curiosité. Écoute. Tu as vu sur la feuille de papier blanc des aides symboliques tracées au crayon bleu. Chacun a tracé son Z. Tu as aussi tracé le tien. Seulement, tu n'as pas vu comment il fallait s'y prendre. On ne te l'a pas révélé. Tu as écrit ton Z de haut en bas, en descendant, comme dans l'écriture ordinaire. Tandis que le secret est de le tracer de bas en haut, en remontant. Cela ne se devine pas. Avec un adversaire comme toi, on ne saurait trop prendre de précautions. Entre nous, c'était le duel à mort. Zygomard ou Paulin Broquet, l'un ou l'autre devait disparaître. C'est toi qui as fini ton rôle, qui as terminé ta mission. Zygomard, une fois de plus, se proclame le plus puissant, le maître, le vainqueur. Zygomard est glorieusement immortel. Alors Paulin Broquet tout à coup s'écria d'une voix vibrante et claire. Tu te trompes, Zygomard. Je vais mourir, mais je ne suis qu'un soldat qui tombe dans la bataille. Il y a une force au-dessus de la tienne, c'est la loi. Il y a une gloire qui, elle, est vraiment éternelle, écrasera la tienne. C'est la justice. Tu triomphes facilement ce soir, mais l'heure du châtiment est immanente. Maintenant, tu es moi, compagnon de Zygomard, exécutez-moi. Vos têtes sont déjà promises à l'échafaud. Les affiliés hurlèrent encore. À mort, Paulin Broquet. Je ne vous crains pas, bandit. Cria Paulin Broquet, et je vous méprise tous. Exécutons-le. Misérable, vous n'êtes pas mes bourreaux, vous serez seulement mes assassins. À mort, à mort. Avant de mourir, Paulin Broquet aussi se venge et vous salue. Se disant, il tira son revolver, et visant ses juges, il fit feu. Paulin Broquet, nous le savons, tirait admirablement le pistolet, le revolver. Ses balles, comme toujours, portèrent tout ici. Elles percèrent les cagoules entre les deux trous des yeux, frappèrent en plein crâne par conséquent. Mais un éclat de rire répondit à ces coups de feu. Les cagoules furent arrachées. Paulin Broquet aperçut des mannequins que ses balles avaient frappés. Alors un coup de timbre retentit. Le plancher sur lequel se tenait le détective tout à coup céda et s'ouvrit largement. « Lâche, assassin !» cria Paulin Broquet. Et il tomba dans un puits qui aboutissait à l'égout. La chute de son corps produisit un bruit sourd, un clapotis d'eau, et sous la voûte qui formait l'égout, tout aussitôt, le silence se rétablit. En haut, pendant que les bandits refermaient la trappe, une voix dit en riant ces mots qui forment un horrible jeu de mots anglais « Broquet is broken. Broquet est brisé. »